Le comité central du Parti du Travail de Corée a envoyé les messages de félicitations aux ouvriers et cadres du complexe thermoélectrique de Pyongyang, de la compagnie de locomotives de Pyongyang Ouest, du département des chemins de fer de Pyongyang, du complexe minier de Musan, qui remporte des succès dans la campagne de 200 jours. Les meetings de remise des messages de félicitations ont eu lieu le 16 courant sous la participation des officiers intéressés et des personnels. Dans ces messages, le comité central du Parti du Travail de Corée a estimé haut les mérites des ouvriers cadres des entreprises précitées qui, soutenant le grand programme de valeurs précisé au 7e congrès du parti, œuvrent dynamiquement avec la vitesse de Malima dans la campagne de 200 jours.